Le Comité national nigérien d'études du kim-sunnisme kim-jong-ilisme a inséré dans son homepage d'Internet un écrit titré « Mise en vigueur de la réforme agraire et solution du problème agraire en Corée » à l'occasion de la journée de la proclamation de la loi sur la réforme agraire de la Corée. Il a présenté que les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il accomplis pour régler le problème agraire du pays brillent toujours dans la réalité de la Corée transformée en paysage féerique socialiste sous la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un.